Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la voix communautaire pour les informations, les arts. KFAI, 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul et Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in Saint Paul. Radio without boundaries. Bonsoir, Caril. Bonsoir, Olaf, et bonsoir aux invités, Sabrina Kelly. Bonsoir. Et pour me dire encore, c'est... Monsieur Goa. Monsieur Goa, Tao Hao Goa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes numéro 5, hein? Oui. Alors, ça va mieux. On peut il est numéro 1, mais c'est le microphone numéro 5. Ouais. Oui, d'accord. Alors, bienvenue à Bonjour Minnesota. Et merci. Ce sont deux francophones qui parlent ici, ouais. Une américaine et d'autres originaires de la Chine. Et c'est magnifique de savoir qu'il y a des gens qui parlent français de tous les pays maintenant. Mm-hmm. Nos invités vont nous parler de ce qui va se passer bientôt. C'est quoi cette fête? Alors, l'Alliance française va avoir le fête d'hiver. Et ça va être ce samedi à 5 heures du soir jusqu'à 8 heures. Samedi à 5 heures? Ouais, 5 heures. À l'Alliance? À l'Alliance, ouais. Et ça va être dans notre grande salle. Alors, l'Alliance française se trouve dans le district, dans la partie Warehouse District. Et c'est à 113 North First Street, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'adresse de l'Alliance est 113 North First Street à Minneapolis. Voilà. Olaf, un petit peu de traduction. Oui, moi, je voudrais bien savoir quel est le programme. Mais oui. Peut-être on peut passer une chanson dont nos auditeurs n'ont rien entendu encore. Donc, passons quelque chose pour... C'est la pluie que nous allons parler. Oui, la semaine dernière, on a joué des chansons sur la neige. Oui. Alors, ce soir, un tout petit peu de pluie. Oui, la semaine dernière, c'était l'anticipation des grandes chutes de neige qui ne sont pas venues. Et ce soir, c'est un tout petit peu de pluie. Mais on prend tout, n'importe quoi, on prend l'occasion pour passer quelques chansons là sur la pluie maintenant. Alors, et notre appareil est un peu lent, mais... Alors, elle boude un peu, la machine. Alors, on va écouter d'abord Idia, qui va vous chanter « Pourquoi ?» Cette pluie, suivie par Gilbert Bécaud, le jour où la pluie viendra. Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid à mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. Faut-il le fêter ou bien le maudire? J'ai cherché dans le livre qui sait, au creux de ses versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union. Une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cette eau, ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les armes quand ils ne savent plus pleurer. La pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie, offriront les plus beaux fruits du monde, les plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, la triste, triste terre rouge qui craque, craque à l'infini, les branches nues où rien ne bouge se gorgeront de pluie, de pluie. Et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis. Et je t'enroule, roulerai de bagues et de colliers jolis, jolis. Oui, le jour où la pluie viendra, nous serons toi et moi, les fiancés du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie. Well, we heard two chansons, Pourquoi cette pluie, by Idriss, and then, of course, Gilbert Bécaud, Le jour où la pluie viendra. So Idriss asks the question, why this rain? And of course, it's to keep the agriculture going, keep plants growing, and so on. And Gilbert Bécaud, of course, that's one of his theme songs, almost the day when the rains will come. And that's he's not talking about just little drops and driplets of rain. This is really the rain. So that's the first two of our rain collection. Merci bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous avons deux invités, Sabrina et Raoul, qui vont nous parler de la fête d'hiver. Ta-da! Alors, qu'est-ce qui se passe? What's going on? What's the program? Yeah. What are you going to be doing there? Donc, la fête d'hiver va commencer à 17h. À 17h ce samedi. Et pour commencer, il y aura des activités pour les enfants. Par exemple, il y aura un conte raconté par notre professeur en français. Et aussi, il y a des programmes pour des adultes. Il y a des nourritures et du vin chaud. Du vin chaud? Ouais. Oui. Oh là là. Et le Père Noël va venir aussi. Oh, le Père pour Noël. Les enfants. Oh. Ouais. Oui. Et juste pour les parents, s'il y a des enfants qui écoutent maintenant, couvrez vos oreilles. Mais les parents, si vous voulez donner des gâteaux pour vos enfants, vous pouvez arriver un peu avant 17h pour mettre un gâteau pour vos enfants avec ces noms, moins de 15$, et le Père Noël va distribuer les cadeaux. À propos enfants. Oui. So a little bit in English, Sabrina, right? Yeah. So our Fête d'hiver is going to be, as Hal already said, from 5 to 8 p.m., and that is this Saturday. And there's going to be different activities, such as Santa Claus is going to come, and you can bring a present for your children. It has to be under $15. And if you have their name under it, we can put it under the Christmas tree, and Santa will distribute it to your child. So that will be really good to have that, you know, personal interaction with Santa. And then also there's going to be different kinds of food, like the vin chaud, warm wine, which is, you know, who doesn't love that? Mm-hmm. And then other kinds of food, like bûche Noël, and then other traditional French food that most people have during the holidays. So it's going to be a fun time. So it's open to the public. I mean, you don't have to be a member. Correct. So that's one way of introducing people to what happens at the mm-hmm. Alliance Française. Right. And you don't have to know too much. You don't have to know French to come to this. It's a good place to learn how to know French, but this is a good opportunity to see if you like this. It is $8 if you are an AF member, and $10 if you are a general from the general public. Mm-hmm. And it's free for children under 2 years old. Mm-hmm. Oh, c'est formidable. On va chanter des chansons de Noël. Oui, tout à fait. Il y aura un groupe a cappella, en fait, mon groupe a cappella, qui s'appelle Scotch Tape. Le groupe Scotch Tape, c'est... Comment est-ce que vous avez choisi ce nom-là? Enfin, moi, je ne suis pas très au courant, mais il y a 10 ans déjà qu'on a créé le groupe. Donc, c'était une histoire un peu bizarre, je crois, mais je suis pas très au courant. Mais ah, d'accord. Du coup, on est des étudiants à McAllister College, mm-hmm. et on va chanter 3 chansons. En français, hein? En français et en anglais. Oh, ok. D'accord. Bilingue. Et oui. et il y aura un pianiste aussi qui va jouer à la fête d'hiver, et on va jouer de la musique festive aussi.

controversial and hitting songs. But these were two in the spirit of the rain and in the spirit of oncoming Christmas or the year-end celebrations. Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir deux invités, Hao et Sabrina. Très bien, non? Merci. Oui, et un peu la question. Vous avez tous les deux, vous avez un passé très intéressant. Vous avez fait des études vraiment formidables pour votre jeune âge. Merci. Alors, Hao, d'abord, combien de langues est-ce que vous parlez? Trois langues. Eh bien. Et donc, vous, où étiez-vous l'année dernière à ce temps? L'année dernière, j'ai passé une année à Paris pour étudier à l'étranger. Et j'ai appris l'histoire de l'art et la photo à Paris 4 et Paris 8. Paris 4, c'est où? C'est la Sorbonne. Et Paris 8, c'est Saint-Denis. Ah, d'accord. Alors, donc, ce sont vraiment les deux pôles contraires au point de vue population autour et puis les préférences politiques. C'est vrai. Oui. Bon, alors, vous passez combien de temps ici? Vous êtes à McAllister maintenant? Oui, tout à fait. Je suis en ma quatrième année, donc je vais finir mes études à McAllister en mai. Et après? Je ne sais pas trop. Ben, ça c'est normal pour des jeunes personnes. Et comme je vous ai dit, je vous conseille de découvrir, regarder partout parce que c'est votre chance de vous pouvez chercher et regarder peut-être la vie va vous mener autre part. Et vous êtes artiste, par exemple? Oui, tout à fait. Ma spécialisation c'est l'art plastique. Et particulièrement la photographie. La photographie? Oui. Eh bien, artistique. Donc, est-ce que vous avez amené des photos de Paris? J'espère que oui. Oui, bien sûr. C'était, Paris était, et encore, une très, très belle ville. Et vraiment, pour les artistes et les photographes, il y a tellement de chances artistiques et culturelles. Ouais. Oui, Paris passe de mauvais moments. Alors, j'ai parlé avec une amie là-bas qui, je crois qu'elle doit être un peu déprimée encore. Ouais. Mais vous connaissez les endroits qui étaient touchés? Oui, la plupart. En fait, j'ai vécu dans le 20e, donc pas très loin de la République. Et, ah bon? Et c'est très difficile de... Oui, parce que vous vous sentez un peu parisien, oui. C'est ça? Oui, c'est... Même beaucoup, moi aussi, après. Oui. Beaucoup d'années. Mm-hmm. Et vous aussi, Sabrina, vous avez fait des études à Paris? Oui, j'ai fait un semestre l'année dernière, dans le printemps, pour mes études en français. Où est-ce que vous avez étudié à Paris? C'était une école américaine, et c'était dans le 14e arrondissement. Et je crois que vous parlez extrêmement bien et vous m'avez dit que vous avez commencé comme un petit enfant, ouais, je crois. Oui, quand j'avais 5 ans. Ouais. À 5 ans? Oui, à l'Étoile du Nord. Parlez-nous un peu de cela. Oui, alors je suis allée à l'école d'immersion à l'Étoile du Nord. L'Étoile du Nord? Oui, à Saint-Paul. Et puis j'ai juste continué mes études jusqu'à maintenant. Ben, je finis mes études dans une semaine. À Hamlin University, avec une spécialisation en français, communication, et puis un certificat en journalisme international. Ah, alors, impressionnant. Oui, ça c'est très important. Mais là, peut-être vous pouvez dire un petit peu comment vous arrivez à fistoler un programme comme ça qui semble très intéressant. Mais c'était vous, votre propre initiative pour... Ouais. Pour le fabriquer, pour le... Ouais, alors quand je suis venue à Hamlin, vraiment le programme pour le français était terminé. On ne peut pas vraiment faire une spécialisation là-bas maintenant. Alors j'avais besoin de créer mon propre cours là-bas. Alors j'avais besoin d'aller à McAllister, par exemple, St. Kate's, et puis après qu'il y a maintenant même, il y a des cours à des autres universités qui terminent. Alors j'avais besoin vraiment d'aller à une place comme la France ou le Canada ou quelque chose comme cela pour continuer et vraiment terminer mes études pour ma spécialisation. Alors je suis allée à Paris pour faire cela. Mm. So can we very quickly just maybe say a little bit of that so we in English for so yeah for sure we don't lose them yeah so I was just saying that for my major when I came to Hamline the program was ending for French and that I had to really create my own major so that was a little bit of a struggle I guess at first but fortunately there's so many colleges that are close in the Twin Cities. So I went to St. Kate's and McAllister to do some of my studies. But unfortunately, because of time and because they're also phasing out some of them, their French departments, I had to go to a Francophone country. So I chose France to go to finish my studies for my French major. Well, I'm sorry to hear about this because we very well knew the people at Hamline. Mm-hmm. The former department head, Don Rice, and... Yeah. Walter Blue and Tamara. So that is very, very sad. Yeah, it is. Languages are really important to have, whether it's French, Spanish, Chinese, you know, mm-hmm. German. It's important, really, you know, to be able to communicate with others in more than one language. Yeah, it's the capability of thinking in different languages. Which, yeah. What the others are... is not as important. Of course, it is important. If you only speak Icelandic, that's not going to carry you very far. Yeah, no, not that but, much. But that's still, I mean, if you have 2-3 languages, it sets your mind in totally different spheres of and then you can learn a third one very easily. Mm-hmm. Well, not very easily, but pretty easily. Add on to what you have. Mm-hmm. Combien de langues tu parles, pas? 5, but that's oh, not done. J'ai cru que toi étais bien. Your languages are what? So it's English, of course, French? And Mandarin Chinese. Okay. Oh, Mandarin, so is there, you see, when you, I mean, you talk French and English, and, well, they're all quite... And Spanish also. And Spanish. Yeah. So that's... in one family, so to mm-hmm, speak. It's not, yes. You don't have to go outside. No. But what about if coming from Mandarin to then to learn English or French? I mean, what's the challenge there? Well, I started learning English when I was 7, so I don't really remember much about mm-hmm. that experience, but I remember having a huge passion for the language because I just was fascinated about communicating with people in a different language with people from different countries as well. And English is just a perfect language for that because it's almost like an international language. So many people speak English everywhere. So, and it was actually mandatory for me growing up in China in elementary school. Mm-hmm. So it wasn't too much of a challenge for me. And I started French in high school. At that point, I was able to speak English pretty well. So it wasn't too much of a challenge for me learning French either. And I was very interested. So I spent a lot of time practicing. And yeah, so I totally agree with what you said, the importance of learning different languages. And it just gives you a different mindset when you're speaking in that language and communicating with other nationalities. I've benefited so much knowing English and being able to speak French as well. So I totally agree with you. Mm-hmm. All right. Do we have... quelques annonces. Located at Lake and Minnehaha in Minneapolis, Patrix puts it all on stage. Video, dance, music, spoken word. You name it, it happens at Patrix. On Thursday, December 10th at 7 p.m., Patrick's Cabaret presents the Kaloff Series, a monthly series pairing two singer-songwriters and two storytelling spoken word artists to present works in progress. More information is available at patrickscabaret.org. The following public service announcement is sponsored by the Minnesota Board on Aging and the Wilder Foundation. You may call it reminding my husband to take his pills or taking grandma to the doctor. We call it caregiving. Remember, if you are a family member, friend, or neighbor taking care of an older adult, you are caregiving. To find local support and resources for caregiving, you may call 800-333-2433 or visit caregivinglink.org. So we are going to hear... You did a back announcement of that? I did the Brassens, yes, yes, yes. Bon, alors maintenant on va écouter encore deux chansons sur la pluie. Que de la pluie. Manu Gallio, je crois que c'est Que de la pluie. Que de la pluie, oui. Que de pluie. Ah ben. Et ça va être suivi par... l'artiste est Manu Gallure. Et ensuite, on va écouter quelque chose par M. Vraiment, il s'appelle Mathieu Chédid, le fils du célèbre Louis Chédid. Mais il voulait avoir sa propre... Il ne voulait pas compter sur son papa. Ça va être M qui chante La pluie fait des claquettes. La nuit tombe à grosses gouttes, tous les chats que la pluie dégoûte se retrouvent chez moi. Les oiseaux n'ont plus pied et je suis dépité, je déteste les chats. Et tandis que ça mouille, on entend les grenouilles qui nagent dans le bonheur et chantent tout en sueur. Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Ça n'est que de la pluie. Votre journée qui est foutue, ça n'est pas la fin du monde. Mais putain, qu'est-ce que ça tombe? Qu'est-ce que ça tombe? Qu'est-ce que ça tombe? Et dans ma tête aussi, une pluie de confettis. L'orage tambourine, les enfants dégoulinent et veulent leur maman. Les couples se séparent et les gros malabars veulent aussi leur maman. Et tandis que ça flotte, on entend qui sanglote, les amants en pleurs qui chantent à contre-cœur. Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Ça n'est que de la pluie, c'est notre journée qui est foutue. Ça n'est pas la fin du monde, mais putain, qu'est-ce que ça tombe? Qu'est-ce que ça tombe? Ça tombe. Et dans ma tête aussi, une pluie de confettis. La pluie c'est vertical, mais le fric et l'argent sale, ça coule vers le haut. Regarde les planer, les parachutes dorés sous des pluies de lingots. Et tandis que ça tombe, le fric pour faire des bombes, on entend les traders qui chantent dans leur bunker. Allez les traders, avec moi! Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Yeah. Ça n'est que de la pluie, c'est votre journée qui est foutue. Oh, c'est sûrement la fin du monde, mais putain, tant que ça tombe, tant que ça tombe, tant que ça tombe. Putain, tant que ça tombe. une pluie de confettis. Il va pas me ce bonhomme de ma ha ha ha ha ce bonhomme de bébé. Y'a pipi son pépé mas fardi gypsy pépins de bonhomme. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich. Elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Oui, quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. Doum, doudou, doum, doum, doum. Doum, doudou, doum, doum. La pluie, avec elle, je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. De tourner des grands ducs, je flotte en eau gambade, la pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud. Well, we're finishing our rain session with Que de la pluie by Manu Gallure. And actually, he is an upcoming star. This is from 2014, but he is doing a lot of work, and they claim he's somewhere in between Kurt Weill and Brel or something like this. He's doing critical work and critical texts. And when you see his the album, he actually has, I don't know if it's a trick, if it's just a trick or whatever, half of his head is shaved and the other half has long hair. Non, c'est la mode maintenant. Oh, is this? Oh, I. Même parmi les femmes. Oh, okay. Well, this just shows how far behind I am. Okay, anyway, so he has this half and half, but he sings very strong and very poignant texts. The other one was by M, who is actually Shadid, the son of Shadid, and who is doing his own thing. And that was La pluie fait des claques. When it rains, it kind of makes the clacking noise. Tap dancing. Clap noise. Well, the clacker, it taps. Steps in, into the flax dough and the flax dough and the anyway puddles. So this ends the story about our commitment to the rain. However, I just need to make one point. I mean, this is over now, but this hasn't hit the U.S. news, but last weekend, the town where my mother comes from in Norway, southern Norway, was absolutely devastated by floods. Oh. They've had some enormous rain and in the highlands up in the fjell in Norway, and then masses of water coming down, and the region between Kristiansand and Egersund or Stavanger has been very heavily affected. Bridges have washed out, and this has had never been seen before in Norway at this. So they're blaming the greenhouse effects on this. Yeah, oh yeah. Wow. Which indicates, which the scientists have said long time ago, it may go up a little bit, the temperature, but the severity of each incident will be stronger and stronger. So... Il fait tellement beau ici à cause de d'El Niño. C'est cette El Niño. You've heard about that? That's with the. It's warmer. It's warmer, yes. There's warm currents that affect us even here. But this in northern Europe, Norway, Scandinavia, and then especially Skagerrak, the terrible storms, and then England also has had quite a lot of. And that is warm air masses coming in from the west, hitting the cold highs. And anyway, we are not here to discuss meteorology, but the songs about rain and. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Alors, nos deux invités, Hao et Sabrina, ont des carrières vraiment intéressantes, mais et aussi ils s'intéressent à la musique. Et entre-temps, je leur ai demandé les musiciens favoris. Et lesquels est-ce que vous préférez, qui parlent français, soit québécois, soit français? Sabrina? Fatal Bazooka pour moi, et puis Stromae. Ah, Stromae. Did you see him when he was here? C'était annulé à cause qu'il y avait un accident. Mais c'était là-bas, ils n'ont pas dit jusqu'au bout du... concert. Oh. C'était là-bas et puis ils ont dit, ben, c'est annulé à l'hôpital. Mais j'étais là. Mais il n'était pas. Alors, mais j'étais là l'année dernière. Oui. J'étais à son concert. Ouais, la première fois. Okay. Et c'est absolument formidable là-bas. Ouais. So we have to take this down because this is... this is the advantage of having some young people at the... Then we get to know What is current? What do they like? And what are your likes? Pour moi, j'adore un chanteur. Il est pas français, mais il chante en français des fois. Il s'appelle Mika. Je crois qu'il est canadien. Je ne sais pas s'il est québécois ou non. Mais ses chansons sont vraiment formidables. Je l'adore beaucoup. Eh bien, je vais les chercher pour faire écouter pour notre public ici. Alors, on continue avec ce qu'on a ici. Mais oui. C'est Véronique Sanson, une dame, enfin. Alors, Véronique Sanson va vous chanter « Pour me comprendre », suivie par « Lumière du jour ». on se regarde tous avec indifférence. En chien de faïence. Et si on se rapproche, si par hasard on danse, c'est comme une défaillance. Mais moi, tu vois, je toi, tu es ma lumière du jour, tu es mon ultime recours, et je t'appelle. Perdu dans la nuit qui m'entoure, mais comment vivre dans un trou noir? Moi j'ai besoin d'y voir. Tu es ma lumière du jour, tu es mon tu accours, tu es mon premier secours, ma lumière du jour, lumière du jour. Tu es ma lumière du jour, tu es mon ultime recours, et si le poids se fait trop lourd, j'appelle ton nom à mon secours. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in Saint Paul, Radio Without Boundaries. And the program we are presenting is Bonjour Minnesota. We have two very interesting guests, and that is Howard Gore and Sabrina Kennelly. And they will talk about their experience as being stagiaires or volunteers at the Alliance Française. Alors, je crois que c'est vous qui devez nous parler de jeune cadre dynamique, c'est votre groupe, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Mon titre officiel à l'Alliance Française, c'est de stagiaire du groupe Jeune Cadre Dynamique, ou young professionals, interns. Donc, le groupe Jeune Cadre Dynamique, c'est pour des jeunes adultes. Et on organise au moins un événement tous les mois. C'est pour qu'on peut parler français ensemble et aller aux événements ensemble. Par exemple, ce mois, on aura un événement la semaine prochaine, c'est le mardi prochain, et on va avoir un apéritif juste avant le stand-up comedy show de Gad Elmaleh à République. Et ça commence à 6h de l'après-midi jusqu'à 7h, et puis on va aller à Cider pour Gad Elmaleh ensemble. Ah bon, ça va. Il a été choisi comme l'homme le plus amusant de France. Oui. Oui. Il a reçu enfin, je ne sais pas si c'était des palmes académiques ou quoi ce soit. Des palmes humoristiques, peut-être. To little tell a little in English. Oh, you're such a wonderful translator. Sure. So, Hal was talking about Jeune Cadre Dynamique, which is a young professionals group that we have for Alliance Française, which is usually ranges about 20, 21 years old to really, as long as you consider yourself a professional, you can be in there. So, the activity is going to be this month on Tuesday, and that's going to be at 6. And that's going to be right before the show, and it's you're going to have they're meeting up for a little drink before and a little pre-show, and that is going to be at the Republic, which is pretty close to KFAI, actually. Mm-hmm. Seven Corners. So, yes. So there's going to be that for them, the meet up beforehand, and just go to Cedar together afterwards. So I see the age limit is 21. You have to be 21. That's undoubtedly, if you are apéro, that's when you can actually have an apéro. True. Yeah. A lot of our events are, for that group, they can be 21 plus, but other times there are, I mean, we don't, let's say last month, it was to have the Bourgeois Nouveau, and some of the people just watched other people drink, you know, if they were under 21. So you don't card them in this. No. Well, si vous devez partir pour aller étudier pour les examens, c'est bien le moment. Ouais, merci. On va, et nous, Olaf, je mettais encore un disque. Vous avez annoncé les dernières? Non, je n'ai pas annoncé, mais c'est, je vais seulement retrospective. Est-ce qu'on a tout demandé, les questions qu'on voulait? Vas-y. Justement. Quoi on est bien tombé, oui, d'avoir on les... A, oui, pour le d'abord, quels sont, si vous avez d'autres événements à annoncer, ça sera bien. Et puis aussi, comment est-ce que vous avez trouvé l'Alliance française pour être volontaire? Après ça, on va vous laisser partir. Alors, pour moi, j'ai trouvé l'Alliance française à cause de l'école, l'Étoile du Nord. J'avais entendu de mes professeurs toujours à propos de cela, même au lycée, j'ai entendu... entendu beaucoup de cela, les événements. Et puis, parce que j'étudie communication et puis français, j'ai cru que c'était une bonne idée vraiment de trouver un stage où je pouvais faire les deux. Et ben, comme stagiaire en marketing et puis communication en français, ça c'est vraiment le top du top choix pour moi. Donc ça fait partie de vos études? Ça fait, ouais, je peux vraiment appliquer mes études. Ah oui, bonne idée. Ici mm-hmm. pour cela. Et how? Pour moi, avoir étudié à Paris pendant un an, je suis revenu à Minnesota, mais j'ai voulu continuer mes études en français et améliorer mon français, surtout de business. Donc, j'ai cherché des stages à l'Alliance française, donc bon, mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien que l'Alliance offre ces possibilités aux jeunes. Mm. C'est bien. Oui, tout à fait. Et donc, je savais que le Minnesota a été

durer davantage au risque de tout briser. Souffrir à force de s'étreindre et se confondre dans la nuit. Souffrir sans gémir ou se plaindre sans un cri. Michel Sardou in America, America, and in Et Mourir de Plaisir. So the first one I need, don't need to translate, I mean America, America. Well, it's just one like these road songs and the pleasure of being in America or thinking about America. And Sardou actually is a fairly critical voice. The second one, Et Mourir de Plaisir, Die for Pleasure. Well, he goes through a long list of things that can be done, and but in the end, he wants to die from pleasure. Well, I mean, what can you say? like to keep it as far away in the future as possible. So anyway, that was Michel Sardou in two of his songs. Et voilà. Bon, on a ou bien le temps pour une disque. C'est Bertrand Belin. C'est une assez nouvelle chanson qui vient de RFI, Radio France Internationale. C'est le titre, on est Avant les forêts. Alors voilà, Bertrand Belin, Avant les forêts. Des envies dans les pentes là, c'est vieux comme le monde. Des envies là, il en tombe. Attention, je peux faire ça. Attention, dans les pentes là. Mais j'ai des promesses à tenir avant les forêts. Avant de dormir, avant les forêts. Sur la peau gelée du lac, je meurs d'aller. Sur la peau gelée du lac, je meurs d'aller. Un jour, qui sait, je reviendrai. Là, on me verra tous. Là, on me verra tous. T'implorer. Comme un hibou, la peur à d'autres, la peur. J'ai des promesses à tenir. Forêt. Avant de dormir devant les forêts, sur la peau gelée du lac, je meurs d'aller. Sur la peau gelée du lac, je meurs d'aller. Un jour, qui sait, je reviendrai. Là, on me verra tous. Là, on me verra tous. T'implorer. Là, on me verra tous. Là, on me verra tous. T'implorer. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. This Wednesday on Miniculture. Live from Minnesota brings you a look at Sufi melange. Original songs with poetry provided by the great Sufi poets of centuries past. This presentation features musical selections as well as perspectives given by members of the performing ensemble made up of all local musicians. Tune in to Miniculture this Wednesday evening at 7:30 only on KFAI. All right, we heard Bertrand Bellin in Avant les Forêts, Before the Forests. And actually, Bertrand Bellin, the song, is part of an album that's called Hyper Nuit. And basically, Bellin has come out with a number of albums. He started more or less, his first successes were in 2005. But then he has added a long list, of which Hyper Nuit is the last one, and it received the Grand Prix de l'Académie Charles Cros in 2010. So he is a person or a singer to be watching. Merci. Alors, encore du chansons? C'est encore quelque chose qui nous vient de RFI. Radio France Internationale, et c'est une chanson que j'ai trouvée extrêmement belle par Philippe Catherine, Où je vais la nuit. Et ça va être suivi par Alex Beaupin, La nuit promet. Alors, ça, ça c'est un peu... Ben, vous allez voir, promet, parce qu'il va voir une jeune femme. tu savais où je vais la nuit. Je nage dans tes yeux comme en Océanie. Je marche dans tes cheveux sans trouver mon chemin. J'escalade tes seins avec l'aide des dieux. Si tu savais où je vais la nuit, j'embrasse tes ancêtres sur leur bouche adorée et toutes les terres qu'ils ont un jour foulé, je les embrasse pareil à un nouveau-né. Puis je pleure un peu, pauvre con que je suis. Si tu savais où je vais la nuit, si tu savais. Toi ou ton fantôme qui métamorphose mes nuits en royaume sauvage et délicat, reste dans mes bras. Si tu savais la nuit, je nage dans tes yeux comme en Océanie. Je marche dans tes cheveux sans trouver mon chemin. J'escalade tes seins avec l'aide des dieux. Si tu savais bien dans la gadoue, la pluie du matin nous lavera de tout. La nuit promet d'être sale, à traîner dans les bars, à rouler dans la boue. La nuit promet de faire mal, du dégât dans les cartes, du dégoût dans les coups. Baiser génial, pauvre caresse à genoux. La nuit faire, j'ai vu vos grands yeux fous. Lavera de tout. La nuit promet d'être sale. Je n'ai pas fait le quart de mes 400 coups. La nuit promet de faire mal. Rentrez-moi dans le lard, mordez-moi petit loup. La nuit promet d'être sale. Quand il se fera tard, moi je vous ferai tout. La nuit promet de faire mal. Sur vos vêtements épars, je serai votre époux. Rouge comme des homards dans ce bain à remous. Cette mare au canard qui n'appartient qu'à nous. J'aime le goût bizarre du miel de vos bisous. Vraiment c'est assez rare ce goût de sucre roux. Pataugeons bien dans la gadoue. La pluie du matin nous lavera du tout. Lèvera de tout. Well, we heard Philippe Catherine in Où je vais la nuit, and he actually has been singing since 1991, and has a very maybe not a very large, but a very dedicated audience of people who like his songs. This one, Where I Go at Night, is a little bit offbeat, kind of eerie, and ghost-like. And what he sings about, of course, is that he wanders through the night and meets various people, and he goes actually, he says he's, well, this is kind of surrealistic, minimalist surrealistic. He is looking in her eyes. He is kind of walking through her hair. Well, this is all somewhat ghost-like, and the rhythm is also very much in the spirit of ghost stories. Alex Popin in La Nuit Promet, the night promises. So what does the night promise? Well, he thinks he's walking through the mud, and he's following people, but then the next morning, the rain of the next morning will wash all the mud away. Well, that's basically what he had to transmit, and he is he's been singing since, well, also the 2011 or something like this, which is an album called Why Does My Heart Beat? Well, if you run around the night, and then your heart will beat probably at a higher rate than if you just sit at home. I'd like to say thank you, Axel, for calling in, because he loved that song by Philippe Catherine, the first one we played in that set. His name is Katerine, K-A-T-E-R-I-N-E. And they don't say which album this came from, but he had another. His first album was called Les Mariages Chinois. Les Mariages Chinois, Chinese Marriages. And he's also done films. I think this might have been from one of his films. He's described as a rare and pure oasis of French chanson. Well, I think the album Où je vais la nuit is also the title of that's the album. That's the title of the album? Yeah, quite often. I mean, these yes, songs have... The title song. The RFI selects mm-hmm. the most, what should I say, representative songs, and then quite often that's what the whole album was called. So mm-hmm. I think it's the album is... Où je vais la nuit. Où je vais la nuit. Yeah. Where I do go? I... Where I go... Where I go at night. At night, yes. Mm. But he was slushing through the... No, the Alex Popin was slushing through the mud. So no, I can't mix these guys up, so... Here's an announcement here. KFAI is supported by Patrick's Cabaret, located at Lake and Minnehaha in Minneapolis. Patrick's puts it all on stage. Video, dance, music, spoken word. You name it, it happens at Patrick's. On December 11th and 12th at 7:30 p.m., Patrick's Cabaret presents the Pitch Dark Cabaret. Held in the darkest period of the year, artists are invited to present works of any kind, but with a catch. From start to finish, the entire space will be completely in the dark. More information is available at patrickscabaret.org. Et voilà, here's some announcements about what's going on in the Twin Cities for things French. Always something going on at the Alliance Française. And on Tuesday the 8th, well, that was today, another guided tour, but make sure you see the Delacroix exhibit at the Minnesota Institute of Art. It was really wonderful. Did you see it? Yes, I saw it. It's very well explained in the mm-hmm. various... posters that are in the various exhibit halls, and with the picture. So it's quite a, and then there's of course a film with Mr. Nguyen, the curator. Which was on the program, which is very nice. I was amazed at that film because they showed you the inside of the Chambre des Députés, je crois, and you never see it. There are some Delacroix paintings there, murals. Ceiling. Yes, mm-hmm. Ceilings. Not on the mule, but on the ceiling. Oh, just what our guest spoke about, how came and told you from on Thursday the 10th from 6 to 7:30 p.m., the Apéro en Français at the U Club. Chance to go and speak French and have a little apéritif. That will be, and a chance to meet some interesting people. That's the Jeune Cadre Dynamique for Young Professionals. And then afterwards, they're going to go here, that's the same night as God Elmala at the Cedar Cultural Center on Tuesday. Oh, no, that's Tuesday. He's on Tuesday the 15th. So this is not the same time. On Friday, the 11th at 7 p.m., the Ciné Club presents Les Garçons et Guillaume à table. And that will be at the Alliance. It will be, no doubt, with subtitles in English. On Saturday, the 12th, from 5 to 8, celebrate the holidays with the Alliance Française. Activities for kids, fun for adults. They will offer wonderful things to eat and drink. Biche de Noël, that's a traditional Yule log cake, and vin chaud. There will be a visit from Père Noël himself. I certainly wish we were able to go see Gad Elmaleh. He should be absolutely great. He's giving his show all in English, and he was the one who was received the award from the government as the funniest man in France. There are many courses going on, 3-week review or conversation classes. Brush up on your French before the season, the holiday seasons. You can take a review class to help yourself out with your conjugaison, or participate in a conversation class and become more comfortable speaking. Practice makes perfect. One-day workshops will be going on. Atelier Découverte. Are you wondering what it's like to take a French class? Give one a try in this 3-hour introduction to French. No French experience required. Already there was one today, and there is another one at Thursday, December 17th from 6 to 9 p.m. Children, too, they have their classes. Winter session is now open for mini sessions, Plaisir d'hiver. Well, that class has already started. I don't know if you can get in. It's kindergarten, second to second grade, but that might be started. You can check out all these classes online by bringing up afmsp.org or I think it's Bonjour at AFMSP. You can go to the show that's now on about the treasures of Napoleon. I still haven't been there, and I want to see that. That's going to be going on until... January 10th, is that correct? I think so. It's at the... Showboat. Showboat, the showboat down by the river. And it'll show some really fascinating things. A collection of the First Empire. It's from the collection by the First Empire Authority and author Pierre-Jean Chalençon. It presents rare personal belongings of Napoleon I. There is a discount for Alliance Française members. This is another announcement quite in the future, but perhaps you better check it out because it might be a big seller. Thursday, February 11th at 7:30 p.m. at the Ordway Center in St. Paul, Paris-born composer Daniel Vohl, W-O-H-L, will be presenting his work called Holographic. Boldly surreal aural experience. This will be his second album, Holographic, commissioned by St. Paul Chamber Orchestra's Liquid Music. A reduction for Alliance Française members. Call Anna for the code or email her. Well, tonight, oh no, this is the 8th. The 9th, the Parisota Hot Club, whose leader we had on a couple of weeks ago, Rob Henry, will be appearing at the Schooner Tavern. That's going to be December 9th from 7:30 to 11. And the Schooner Tavern is at 2901 27th Avenue South. It's on Lake, I believe, or close to Lake Street, and not far from the bridge there. Their number is 612-729-4365. The historic Schooner Tavern. I've never been there. I'd like to see that place. They're going to appear the 19th from 8:30 to 11:30 at Merlin's Restaurant and Pub, which looks like a picture shows a rather Irish-looking place. That's the Parisota Hot Club. Their address, let's see, East Lake and 36th Avenue. Merlin's on the 19th. Then there's some other things here coming up. We need a song? Getting tired of this? Well, let's have a song or two. Let's have a song. And then we can continue. Oh, very important announcement. Mark and Francine. Francine Roche and Mark Stillman are playing at Wednesday, December 9th, tomorrow night, 8 p.m., at the Cabaret Ballroom Dance Night. Wednesday the 9th, the Minneapolis Eagles Club, 8 to 11. They are at 2507 East 25th Street. You can dance and also catch them at the Honey Bar, which is underneath, that's on the corner of Hennepin, the old... It's on next to Kramarchuk's. Near Kramarchuk's, yep. Yes. It's the Oriental restaurant is up above. Let's see, that's the Ginger Hop is a place where they play. Yeah. Yep. It's downstairs, and that's going to be on Thursday, January 7th. We'll announce that when it's closer. Let's hear some music. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Zoufris. Oh, I don't have anything up there. Zoufris Maracas. Ah oui, yeah. Zoufris Maracas. C'est vraiment intéressant. C'est un groupe de deux. Zoufris Maracas. Et ils sont... Alors, Zoufris Maracas, et ils vont vous jouer « Si tu crois que cette nuit... » Yeah.

occasion to earn money and so on. And so he says, see, if you believe, if you think that this night, then think again. And so he sings about how they have to go to bed early, then get up early, make sure that they get to the plant on time, that they have the machines running, and that they work well, the time off at the plant. And then, of course, he sings about being cuddling with his partner, or girlfriend, and then, but then he, out of all this, he has to turn around, has to get up, has to make sure that he gets to the plant on time and to the factory on time. So it's kind of the describing the situation things or the feelings of those who came into France in the 50s and who were the, well, workers. He sometimes compares himself to slave workers, but the melody is pretty nice, and he has two albums out, and the last one out from where this comes, Chien de Vie, Dog's Life, some of them indeed didn't have much not very pleasant lives when they had to work hard and were underpaid. So anyway, that was Soufris Maracas and his group, and they are getting traction there in France. Melody and rhythm were also very, very interesting. Oui, merci. Alors, il nous reste si peu de temps. Il y a une dernière chanson par Bastien l'Allemand qui s'appelle Longue Nuit. Je vais jouer ça. Nous aurons ça. Et c'est l'heure de vous dire au revoir à la semaine prochaine. Merci beaucoup à nos deux invités, Sabrina et Hao. J'ai eu grand plaisir de parler avec eux, n'est-ce pas? Yeah, this was very nice to have our two volunteers, or stagiaires, Hao Guo and Sabrina Canelli, for our show. And they explained programs at the Alliance Française and the way that they work there as stagiaires. So, the next song we're going to hear before we sign off, or while we are signing off, is Bastien l'Allemand, Longue Nuit, Long Night. And we wish you a long night after we stop sending. And we will hear them right now. J'ai rêvé bien souvent de te rejoindre là-bas, de m'étendre dans tes bras, me serrer au creux de toi dans la nuit, longue nuit, je te retrouvais enfin, nous allions à nouveau réunis comme autrefois. Mais le jour se lève, t'emporte loin de moi. S'il fallait pour te voir escalader des montagnes et me perdre dans les brumes, ah s'il j'essaie de ça. Dans la nuit, longue nuit, je te trouverai encore, et ta voix dans les brumes me guiderait près de toi. Mais le jour se lève, t'emporte loin de moi. la nuit noire et les chevaux qui t'emportent sur ces plaines dans les nuages. Je chevauche près de toi, mais le jour se lève, t'emporte loin de moi. Oui, le jour se lève, t'emporte loin de moi.